Il y avait une réunion fort importante hier, une assemblée d'information dans le secteur de Mississauga, ce qui a trait à la survie des castors de Dolbeau. On en a appris davantage hier, mais que, quoi qu'il en soit, on va parler avec le président Danny Lavoie. Salut Danny. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien Danny, qui est le président du hockey mineur en passant. Hey Danny, moi j'ai su les scénarios qui s'est dit hier, tu vas me dire si c'est exact. Premier scénario, mm-hmm. Il y aurait des joueurs de Saint-Félicien qui se joignent, qui se joindraient au Castor, les joueurs qui ont été retranchés du Marcos Pub. Deuxième scénario qui serait mis sur la table, une équipe de Midget A et une équipe de Midget B. Et le troisième scénario, deux équipes de Midget A et une équipe de Midget B. Est-ce que c'est vrai? Pour ce qui est du Midget 2B avec une entente avec Saint-Félicien, oui, c'est un scénario qui est envisagé, bien entendu. Bien sûr, les pourparlers ne sont pas terminés. Il faut d'abord que les joueurs qui soient appelés à venir jouer ici, s'ils viennent, ben qu'ils soient d'accord, mais qu'ils soient aussi de calibre 2B, bien entendu, il faut que ce soit vérifié au préalable. Okay. L'autre possibilité qu'on a aussi, c'est effectivement, on peut faire deux équipes de A. On peut faire une équipe de A, une équipe de B selon le calibre de nos joueurs qu'on va avoir. Et c'est pas impossible aussi qu'on ait une équipe de 2B avec une équipe de B directement qui serait sous-classée là, si le calibre est trop faible à ce niveau-là. Fait qu'hier soir, c'est effectivement ça qu'on a fait. C'était vraiment une séance d'information pour exposer les scénarios possibles actuellement aux parents des joueurs midget pour lui expliquer où on était rendu dans nos démarches avec Hockey Québec, avec la Fédération, puis avec l'Hockey mineur de Saint-Félicien aussi. Donc, les discussions se poursuivent. Au moment où on se parle, il n'y a pas encore de décision d'arrêter non plus. Tout est encore en étude, puis en train de se démarcher. Là. Fait qu'on attend un petit peu pour voir là, qu'est-ce qu'il va y avoir d'un développement d'un prochain jour. Puis s'il faut qu'on demande un délai, c'est sur la table aussi. Ça se peut qu'on demande un délai d'extension pour former l'équipe. Donc, le but premier est toujours d'essayer de conserver les castors, mais pas à n'importe quel prix. Là. T'sais, on veut pas des joueurs qui vont venir remplir des chandails. Uniquement parce que ça a le temps de venir. Il faut que ce soit aussi de calibre puis qu'on soit capable d'avoir une équipe compétitive. On me dit qu'il y aurait 8, il y aurait 18 joueurs au camp actuellement, il y en aurait 8 seulement de calibre. Est-ce que c'est vrai? Oui, on parle de 7 ou 8 joueurs qui ont réellement là, déjà fait du 2B de façon régulière, là, puis qui sont vraiment habitués à ce calibre-là. Fait que bien entendu, regarde, ça représente à peine la moitié d'une équipe. Donc, le problème est là, en fait. Hein, on peut pas demander à des joueurs qui ont fait toute leur hockey mineur dans des catégories B, par exemple, ou à peine le A, de se présenter soudainement et de dire « Ah, c'est la première fois de ta vie, mais là, tu vas être midget 2B par défaut cette année. » C'est pas juste pour les kids, c'est pas juste aussi pour les parents qu'on va nous demander d'investir le montant qu'il faut pour qu'ils fassent partie dans l'équipe. Fait que ça, il y a ce niveau-là qui doit être abordé aussi. Là. OK. Est-ce que le problème d'entraîneur, maintenant? On me dit qu'il n'y aurait un entraîneur. Donc, est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de confirmation encore. OK. Bien entendu, les candidats qui ont été approchés, la plupart, c'était conditionnel à ce qu'il y ait bel et bien une équipe. Tu sais qu'ils ne veulent pas prendre de décision nécessairement tout de suite. Mais oui, pour l'instant, sans nommer le nom, là, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être prendre l'équipe dès qu'on... On aura confirmé s'il y a équipe ou non. OK. Est-ce que la Fédération de hockey du Saint-Lac-Saint-Jean est dans le dossier? Moi, on me dit que oui. Oui, absolument. Écoute, je peux te dire que depuis qu'on a sonné l'alarme la semaine passée, les autres travaillent de l'arrache-pied. On est pas mal de priorités actuellement là, de leur côté. Là, ils passent beaucoup de temps sur notre midget à nous, de notre côté. La Fédération a aussi Hockey Québec. Est au courant. Eux autres aussi savent que les castors, c'est quand même une institution importante pour nous. Ça a peut-être 60 ans ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils ne vont pas les voir disparaître de cette façon-là non plus. Mais là, c'est important de comprendre que si on n'est pas capable de présenter un calibre, fait que les activités vont malheureusement être suspendues pour un an. Et puis ça fait toujours partie des scénarios envisagés. Là. C'est pas ça le but. Mais ça fait partie des scénarios quand même. OK. Est-ce vrai aussi qu'on se donne jusqu'au 23 septembre pour être là-dessus, là, une date limite, le 23 septembre? La date limite là, qu'on se fixe, en fin de compte, pour l'instant, il n'y en a pas. Okay. Parce qu'on veut que ce soit le plus tôt possible. Le délai maximal pour pouvoir dire, OK, l'équipe, on la présente, c'est bien sûr le 23, parce qu'on a des comptes à rendre à la Ligue pour la formation des horaires et le début des activités. Mm. C'est tout simplement ça. Par contre, le plus court temps que ça va prendre pour prendre une décision, c'est ça qui va être le mieux. Parce qu'après ça, on va savoir à quoi s'en tenir et on va pouvoir fonctionner dans cette direction-là. OK. Est-ce que les commanditaires, puisqu'il y a quand même des commanditaires après les chandails, ils sont approchés pareil ou tout est sur la glace actuellement? Ben, pour l'instant, ça, c'est un peu de la responsabilité du CA là, au niveau financier là, pour les castors. OK. Moi, ce que je peux dire, c'est que la santé des castors au niveau financier est bonne. OK. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont de l'argent en banque. Écoute, s'il y aurait la suspension de l'activité pour un an, je vois pas pourquoi ils seraient pas capables de se remettre de ça là, sans trop de problèmes. Okay. De toute façon, la situation ne nous permet pas de dire qu'on va le faire de façon à 100%. Là, donc, il va falloir qu'on vive avec ça si ça arrive. OK. Et parce que c'est la même chose pour le CA. Oui, à ce moment-ci, j'ai eu des pour parler avec le président du hockey de Saint-Félicien. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait quand même de très, très bons contacts avec toi. Parce que je lui posais la question. Mais ça fait que je ne vous aidais pas, Saint-Félicien, parce que ça peut arriver que ce soit l'inverse à un moment donné. Là. Et, moi, on m'a dit qu'il y avait six joueurs de Saint-Félicien qui étaient prêts à venir à Dolbeau. Et semble-t-il que. Semble-t-il que Saint-Félicien s'abranlait dans le manche. Puis il m'a dit qu'il y avait quand même de bon pour parler avec toi. Oui, écoute, moi, avec Carl, ça fait quelques années déjà qu'on se côtoie dans les réunions de hockey, d'hockey Saglac. Puis nos deux hockey mineurs sont de proximité. Puis on vit un peu les mêmes réalités, les mêmes problématiques à chaque année. Fait qu'on se parle ensemble. On essaie tout le temps de trouver des solutions. Écoute, c'est même envisagé qu'à un moment donné, je sais pas, moi, dans un avenir rapproché, on fasse peut-être même des ententes au préalable, avant les débuts des camps d'entraînement, pour essayer d'éviter ces situations-là, justement. Écoute, ça peut devenir possible à un moment donné. C'est sûr que là, présentement, lui, il y a des problématiques de son côté, et on a les nôtres. Puis on essaye d'essayer de faire quelque chose qui va satisfaire les deux hockey mineurs, dans le fond. OK, OK. Ben, Danny, on va surveiller ça de très, très près, puis on se rappelle la semaine prochaine. Oui, c'est bon. Parce que pour nous, là, actuellement, c'est vraiment au jour le jour. Là. Dès qu'on va avoir du nouveau, en tout cas, on va opérer. Ben, merci beaucoup. Fait que le président des Castors de Merci à toi. Danny Lavoie.